l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la sixième émission, nous avons pris le pouls de la socio-économie canadienne pendant la période des grands bouleversements, des grands dérangements qui commencent dans le monde atlantique avec le troisième quart du 18e siècle. Si au Canada on note des dérangements, conquêtes, déportations, à côté de ces événements hauts en couleur, il y a aussi, en sourdine, les commencements d'une révolution plus profonde, d'une révolution qui va transformer substantiellement la socio-économie canadienne. Cette révolution, c'est la pénétration du marché, la transformation de toute la socio-économie à mesure que le marché devient, en remplacement du gouvernement, le grand agent de coordination de la vie économique. Cette semaine, nous verrons comment la socio-économie canadienne va vivre le début de cette transformation en fin 18e et début 19e siècle. Au premier regard, il semble que le troisième quart du 18e siècle ait lancé un mouvement de fragmentation, de désintégration économique et politique au Canada. Dès les 1760, l'île Saint-Jean, l'île du Prince-Édouard, est détachée de la Nouvelle-Écosse et obtient son gouvernement indépendant. Dans les années 80, la fragmentation de l'ancienne Nouvelle-Écosse va se continuer avec la création de colonies séparées et pour le Nouveau-Brunswick et pour l'île Royale, l'île du Cap-Breton. Tout cela au moment où les provinces atlantiques, après la Révolution américaine de 1776, commencent d'ambitionner de remplacer les colonies américaines dans le grand commerce atlantique de l'Empire. Mais la désintégration n'est pas confinée aux maritimes. Avec la Révolution américaine et le traité de 1783, tout le vaste territoire à l'ouest des Appalaches est cédé aux nouveaux États-Unis. Et cette frontière nouvelle entre le Canada et les États-Unis vient briser en quelque sorte l'espace économique du Castor, vient couper le grand corridor économique du Saint-Laurent de son interland naturel dans le sud-ouest. La fragmentation de l'empire commercial du Saint-Laurent se continue en 1791, quand on scinde la vieille province de Québec en deux morceaux, le Haut et le Bas-Canada. C'est donc une mosaïque de morceaux d'économie qu'on va avoir à la fin du 18e siècle. Quatre morceaux dans l'Est, en plus de Terre-Neuve, deux morceaux dans le Canada central, et puis des balbutiements d'économie dans l'Ouest, non seulement dans les prairies, où la compagnie de la Baie-d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest se concurrencent, mais même dans l'extrême-Ouest, sur la côte du Pacifique, où fleurit un commerce dont on parle peu. Un autre commerce des fourrures, le commerce de la loutre de mer, un commerce mis en place par les Russes, venus dans l'Amérique du Nord-Ouest, via la chaîne des îles Aléoutiennes, ce chapelet d'îles faisant une sorte de pont, ou presque, dans le Pacifique Nord, entre l'Asie et l'Amérique. Entre ces morceaux de la socio-économie canadienne, depuis Terre-Neuve jusqu'à la côte du Pacifique, les rapports en fin 18e siècle sont variés, parfois bien développés, parfois ténus, parfois inexistants. Mais ce qui est certain, c'est que l'État ne peut plus jouer, ou jouer bien, le rôle de coordination entre ces morceaux d'économie, chacune avec son gouvernement. D'autant que, plus souvent qu'autrement, c'est la coexistence hostile, l'équilibre conflictuel entre ces gouvernements. Ce sont les forces du marché, la pénétration des forces du marché, qui commencent à mettre en place les prérequis pour la grande vague d'intégration économique qui va caractériser le 19e siècle. Ces forces, on en sent la présence au Canada dès après la conquête, on les sent sourdre, quand, le marché extérieur s'ouvre plus grand pour les produits du Canada. Fernand Ouellette est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. C'est l'ouverture d'un marché extérieur pour les grains dans l'Empire britannique. Après 1760, le facteur qui se produit, c'est que le marché des Antilles va s'ouvrir temporairement en attendant que le marché de la Grande-Bretagne s'ouvre aux produits agricoles du Québec. Et là, pendant la seconde moitié du 18e siècle, vous allez avoir un secteur agricole en pleine expansion, un secteur des pelleteries en pleine expansion, et les deux, progressivement, vont se relier. De sorte qu'on va avoir une économie qu'on peut qualifier d'une économie en transformation. Peut-être pas en transformation rapide dans ses structures, mais qui donne les meilleurs rendements à l'intérieur de la structure coloniale de l'époque. Si on regarde, disons, les relations entre l'agriculture et les fourrures, bien, on s'aperçoit que la commercialisation de l'agriculture a eu pour effet de contracter le réservoir de main-d'œuvre. En contractant le réservoir de main-d'œuvre, c'est-à-dire l'offre de main-d'œuvre, eh bien, elle a mis en position les gens dans les campagnes qui auraient été disposés à aller dans l'économie des pelleteries. Elle leur a donné une sorte de force vis-à-vis des employeurs. Or, les employeurs, eux, qui arrivaient en groupe, parce que, évidemment, les entreprises n'étaient pas concentrées, vous aviez une vingtaine d'employeurs qui arrivaient dans les campagnes pour aller chercher de la main-d'œuvre, qu'est-ce qui se produisait? C'est que, comme l'agriculture était en expansion, qu'il y avait un profit qui naissait de l'agriculture, qu'est-ce que les engagés pouvaient dire? Ils pouvaient demander des salaires qui étaient beaucoup plus élevés. En concentrant les entreprises, qu'est-ce qu'on faisait? En créant la Compagnie du Nord-Ouest, par exemple, qui allait engager 700 à 800 hommes, d'un seul coup, on créait, comme revenez-vous, une entreprise qui contrôlait le marché du travail. Et ce qui est intéressant, c'est en 1794 que vous avez la première grève. La première grève des engagés, ce qui finalement prouve que la concentration des entreprises a été efficace, qu'elle a permis, disons, à une entreprise de contrôler le réservoir de main-d'œuvre. Il y a un deuxième élément, le changement technologique, c'est-à-dire le remplacement du canot par le bateau. Eh bien, encore là, c'est relié au problème de main-d'œuvre. Si vous regardez l'équipage, par exemple, c'est une chose qui ne m'avait pas frappé, moi, il y a 25 ans, mais il y a quelques années, quand j'ai retravaillé toutes ces questions-là, ce qui m'a frappé, c'est que l'équipage du bateau était un équipage de 4 hommes, l'équipage du canot est un équipage de 10 hommes. Et les deux transportaient à peu près le même poids. Ça veut dire ce que, en utilisant davantage le bateau dans l'économie des pelleteries, on en arrivait encore là à contrôler les salaires, à contrôler les coûts, pour autant que les coûts dépendaient des salaires. Tout ce problème-là, c'est un problème fondamentalement économique. Et ce qui me frappe, lorsque je fais mes statistiques, c'est que vraiment les hommes d'affaires anglophones ont été beaucoup plus sensibles, beaucoup plus rapides à comprendre cette évolution, cette nécessité. Au lendemain de la conquête, ce qu'on observe comme premier groupe qui va réagir, ce ne sont pas les immigrants anglophones qui vont arriver, ce sont les traiteurs des colonies américaines, qui vont envahir d'une façon massive, je dis d'une façon massive, des centaines de traiteurs, qui vont envahir la région des Grands Lacs, bien décidés à prendre le contrôle sur l'économie des pelleteries. Et immédiatement, qu'est-ce qu'on voit comme réaction? On voit les francophones et les anglophones, les nouveaux immigrants anglophones, qui vont serrer les coudes, finalement, qui vont être dans une libre compétition entre eux, qui n'hésiteront pas à se couper la tête entre eux, disons, au niveau de la compétition, pour autant que leurs objectifs personnels sont impliqués, mais qui vont serrer les coudes contre les Américains. Et du point de vue des chiffres, c'est intéressant de voir qu'il y a une progression, disons, des Américains jusqu'en 1769 dans la région des Grands Lacs, dans l'économie des pelleteries. Mais je pense, moi, que ce qui va bloquer les Américains, c'est l'absence, disons, de réservoir de main-d'œuvre bien qualifié. Ils sont obligés de rester faire la traite auprès des lacs et ils ne peuvent pas s'aventurer dans le nord-ouest. Et cette coalition, disons, des intérêts anglophones de Montréal et des francophones, c'est un facteur qui va amener, disons, la faillite de cette tentative pour faire passer l'économie des pelleteries au fond des marchands d'Albanie. Alors, c'est un facteur qui est assez intéressant, disons, du point de vue évolution. Et finalement, la tendance va être de concentrer de plus en plus, évidemment, ce trafic des pelleteries vers Montréal, et surtout dans les groupes anglophones. Et là, je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent intervenir. Par exemple, c'est certainement que la guerre de la Révolution américaine peut avoir été un facteur qui a défavorisé les francophones, en ce sens que pendant la guerre, c'est le secteur des importations qui devient un secteur important. Et comme les francophones n'ont pas été suffisamment présents, là, j'implique aucune responsabilité, n'ont pas été suffisamment présents dans le secteur des importations, eh bien, à ce moment-là, pendant la guerre, c'est quelque chose qui a joué certainement contre eux. Ça, c'est un facteur qui peut avoir été, dans les circonstances, un facteur déterminant. Parce que, disons, statistiquement parlant, c'est au moment de la Révolution américaine qu'on voit disons, ce décrochage ou ce glissement s'opérer vers les anglophones. Un glissement qui va être complété vers la fin du siècle, M. Wallet? Oui, un glissement qui va être complété vers la fin du siècle et au début du 19e, dont les gens vont prendre conscience, dont les classes moyennes vont prendre conscience, et qui va avoir là un potentiel politique énorme. Non seulement peut-on dire que les forces du marché vont commencer d'engendrer la concurrence sur le marché du travail et la concentration des entreprises et le changement technique dans le commerce des fourrures dans sa suite, on peut même dire que la tentation du marché libre comme mécanisme d'organisation économique est dans l'air. 1776, c'est non seulement l'année de la Révolution américaine, c'est aussi l'année de la publication du livre qui fonde la science économique moderne, si l'on peut dire, La richesse des nations, de Adam Smith. Or, comme on le sait, le message central du livre de Smith est une remise en question du système mercantiliste, une apologie du marché libre comme le moyen de faire la richesse des nations. L'Angleterre va être tentée, déjà dans le dernier quart du XVIIIe siècle, d'abandonner sa politique mercantiliste, sa politique de réglementation du commerce, et de fonder un impérialisme nouveau sur une base nouvelle, le marché libre, le droit du plus efficace de concurrencer tous et chacun librement et partout. Voilà qui explique, selon Pierre Tousignant, du département d'histoire de l'Université de Montréal, pourquoi on donne des conditions aussi généreuses aux colonies rebelles, pourquoi on leur abandonne tout ce territoire inhabité à l'ouest des Appalaches. Ce qui va avantager les négociateurs américains, c'est que Lord Shelburne ait gagné au principe du libéralisme économique tel qu'exposé dans le Wealth of Nations de Adam Smith de 1776. Et Adam Smith, dans son traité The Wealth of Nations, prévenait les autorités britanniques, disant, vous vous engagez dans une guerre stupide qui va vous coûter énormément de frais, de vies humaines, alors que vous pourriez continuer à bénéficier en reconnaissant l'indépendance des Américains, que vous pourriez bénéficier économiquement de la richesse et de la part des Américains, je veux dire, comme ressources humaines à approvisionner de marchandises de toutes sortes, étant donné que les Américains ont besoin précisément des produits britanniques. Bon, il faut pas oublier que à ce moment-là, au point de vue démographique, les Américains dépassent 2 500 000. Alors, il y a 2 500 000 versus au Canada autour de 100 000 habitants. 2 500 000 qui réclament précisément ce territoire du côté de l'Ouest, au-delà des Appalaches, pour le coloniser. Or, dans l'esprit de Lord Shelburne, le fleuve Saint-Laurent était conçu, permettez que j'emploie son expression, comme un trade corridor, une voie de communication fluviale qui menait directement au bassin des Grands Lacs, donc qui aurait permis à l'Angleterre d'aller approvisionner la masse mouvante américaine en train de développer l'Ouest. Plus les Américains, pensait Shelburne, sont occupés à cette colonisation de l'Ouest, plus ça retardera en quelque sorte l'avènement d'un processus qu'on dirait aujourd'hui d'industrialisation. Donc, dans cette mesure-là, l'ex-métropole, l'Angleterre, en bénéficierait pour approvisionner ses colons. D'ailleurs, c'est ainsi que l'Angleterre, dans tout le processus de colonisation, s'était enrichie précisément en approvisionnant en marchandises, d'où toutes ces restrictions par les lois de navigation, défense, prohibition d'entreprendre une production qui soit concurrente avec celle de la métropole. Tel était l'objectif économique visé par Lord Shelburne au moment des négociations de paix, qui lui a fait se montrer très généreux vis-à-vis des Américains. Généreuse concession que n'était pas prête à endosser et à accepter la majorité des parlementaires britanniques. Au moment où Shelburne présente les articles préliminaires devant le Parlement, on peut dire que la grande majorité demeurait attachée au principe du système mercantiliste. Le grand discours que Lord Shelburne va tenir devant la Chambre, et je me permettrai, Ivo, de citer ce discours-là, pour montrer à quel point il est lié au principe exposé par Adam Smith dans son Wealth of Nations. Situated as we are between the old world and the new, and between the southern and northern Europe, all that we ought to covet upon earth is free trade and fair equality. With more industry, parlons de l'Angleterre, de la métropole, with more industries, with more enterprises, with more capital than any trading nation upon earth, it ought to be our constant cry. Let every market be open. Let us meet our rivals fairly and ask no more. Il fallait plus qu'un simple discours pour convaincre les représentants de la nation de délaisser le traditionnel old colonial system au profit d'un empire fondé sur le free trade. De telle sorte que Lord Shelburne va se voir forcé de démissionner et d'abandonner l'espoir de conclure avec les États-Unis une entente commerciale fondée, comme il le disait et comme nécessairement ça devait se faire maintenant que les anciennes colonies étaient devenues États indépendants, on the most enlarged principle of reciprocal benefit for both countries. Or, dans l'esprit de Lord Shelburne, ces concessions généreuses, puisqu'il avait ça comme objectif économique, auraient permis, après cette guerre, de faire des Américains des alliés de la Grande-Bretagne. En fait, inévitablement, à cause des forces économiques en présence de la richesse des anciennes colonies, l'Angleterre va inévitablement, dis-je, devoir en venir à un traité ainsi fait sur une réciprocité. Mais il faudra attendre, disons, une dizaine d'années avant que ce traité commercial puisse être négocié avec les Américains. C'est ainsi qu'au lendemain de l'indépendance des États-Unis, l'on opta pour le maintien du Old Colonial System dans sa forme la plus rigide. Et avec la perspective d'un regain de colonisation britannique, grâce à l'arrivée massive des loyalistes en Nouvelle-Écosse et au Québec, on va commencer à entretenir ce rêve de reconstituer. Et là, il vaut de citer, parce que je trouve l'expression très belle, elle vient d'un historien, Eric Robson, « A new self-contained Western Empire in which British North America should take the place of the revolted colonies and supply the raw materials and foodstuff required by the British West Indies. » En fait, ce rêve devait être de courte durée, à peine le temps de créer 4 provinces. Thank you. La révolution américaine de 1776, c'est le commencement de la fin pour le mercantilisme, en pratique tout au moins. Malgré les espoirs et les efforts de Lord Shelburne, le traité de 1783 va reconnaître l'indépendance des États-Unis, va leur donner de vastes territoires à l'ouest, mais va exclure les États-Unis du système commercial britannique. L'exclusion des États-Unis du commerce avec le Canada et les Antilles veut très vite dire manque de nourriture au Canada et aux Antilles dans les années de crise. Il faut donc abandonner un à un les principes mercantilistes et reconnaître que les colonies loyales du nord-est atlantique ne pourront pas remplacer les États-Unis dans le système atlantique. On voit grandir, se développer, avec ou sans les permissions nécessaires, un commerce de plus en plus intense, de plus en plus important entre les différentes portions du Canada et leurs voisins du Sud. Ceci tant dans les provinces maritimes que dans la vieille province de Québec. Avec la complicité des autorités, c'est toute une série de produits qui passent au Canada par le lac Champlain. Lin, chanvre, grains, potasse, cheptel, fer. C'est l'époque d'ailleurs où les maisons de commerce comme Finn et Ellis, qui ont leur maison mère à Londres, sentent le besoin d'avoir des succursales et à Schenectady et à Montréal. Cet agrandissement du commerce, cette présence de plus en plus grande du marché, va déclencher un processus de transformation fondamentale dans la socio-économie du Québec. On assiste, depuis le dernier quart du 18e siècle jusqu'au premier quart du 19e, à une véritable mutation dans la trame sociale de la vieille province de Québec, à la disparition de groupes sociaux enracinés dans l'Ancien Régime et à la montée de groupes sociaux nouveaux qui ont leur assise économique dans le capitalisme commercial en train de prendre. Alfred Dubuc est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Au tout début, il y a trois blocs, puis un quatrième viendra s'y joindre. Le premier bloc, c'est celui que j'ai appelé le bloc du pacte aristocratique, qui regroupe les seigneurs canadiens, parce que contrairement à ce qu'on dit trop souvent, les seigneurs n'ont pas quitté la colonie, ils sont restés là. Et parmi les seigneurs, il y a les plus riches d'entre eux, les communautés religieuses, bon, sauf les jésuites, disons, dont les biens vont être confisqués éventuellement, à peu près 40 ans plus tard, vers 1800, à la mort du dernier jésuite. Mais il y a les seigneurs, donc, qui sont propriétaires de leur seigneurie. Il y a les cadres supérieurs de l'Église catholique. Et il y a les cadres supérieurs de l'armée britannique. Et il y a les grands administrateurs coloniaux. On y parle français dans cette société. À la cour du gouverneur, à Québec, où sont conviés dorénavant les seigneurs avec les administrateurs coloniaux et les cadres supérieurs de l'armée, on y parlera français pendant quelques décennies. À ce premier groupe s'oppose un deuxième, celui des marchands. C'est la bourgeoisie naissante, cette bourgeoisie que Morazé, par exemple, appellera en France la bourgeoisie conquérante. Cette bourgeoisie qui veut le pouvoir, qui est en train de l'obtenir en Angleterre, qui va l'obtenir bientôt en France à travers la Révolution française, cette bourgeoisie qui est en train de faire la révolution des colonies américaines, c'est cette bourgeoisie des grands marchands qui veut le pouvoir. C'est un groupe essentiellement anglophone, et disons que dans la mesure où cette bourgeoisie des grands marchands fait son commerce essentiellement à l'intérieur de l'Empire britannique, ces gens-là se définissent essentiellement comme britanniques. Le troisième groupe au tout début, et il n'y aura que trois groupes au tout début, avant 1791, disons, le troisième groupe, c'est la masse de la population, les paysans et les artisans, qui seront complètement dominés et administrés par les deux autres groupes. Peu à peu, cependant, un quatrième groupe apparaîtra, va se développer, grâce à la grande réforme constitutionnelle de l'acte de 1791, qui introduit, en séparant les deux Canada, qui introduit le parlementarisme. Et alors là, nous allons voir apparaître, à partir des classes populaires, à partir des classes paysannes, à partir des classes des artisans, à partir des petits commerçants francophones, nous voyons se développer une nouvelle classe qu'on peut difficilement appeler petite bourgeoisie, mais en tout cas, une petite bourgeoisie dont le prestige est assis sur sa représentativité des intérêts redéfinis, si vous le voulez, de la paysannerie et des artisans et des petits commerçants. Et cette classe va prendre fait et cause pour les intérêts populaires, plus populaires, et va engendrer un conflit de plus en plus important qui sera à la fois social et à la fois national. Cette classe va devenir une classe qui va s'opposer à la montée de la classe des grands marchands. Et c'est ce qui explique que l'Angleterre, pendant de nombreuses décennies, va appuyer les revendications de cette petite bourgeoisie contre celles de la grande bourgeoisie, des marchands, pendant quelques décennies. Mais peu à peu, le pacte aristocratique va se dissoudre. Les gouverneurs qui vont venir en colonie ne seront plus ceux du 18e siècle. Ce sont de nouveaux types de gouverneurs. Ils appartiennent à d'autres classes sociales en Angleterre et ils se rapprochent de plus en plus des marchands. Et les nouveaux gouverneurs, avec le début du 19e siècle, vont appeler davantage de marchands au conseil exécutif et au conseil législatif. Et le pacte aristocratique va se dissoudre de plus en plus. Les seigneurs vont d'ailleurs s'intégrer de plus en plus au monde des marchands, au monde des professions. Et finalement, on va retrouver trois groupes et non plus quatre. Cette mutation de la structure sociale s'ajustant aux réalités économiques nouvelles dans la vieille province de Québec, dans le Bas-Canada, ce n'est qu'un signe de cette discontinuité, de cette seconde grande discontinuité dans l'évolution de la socio-économie canadienne. Ailleurs, la césure est moins marquée, plus sourde, mais le passage au 19e siècle ne marque pas moins une discontinuité. Ainsi, c'est une sorte de réveil économique pour les provinces maritimes, parce que si ce rêve de remplacer les colonies américaines par les colonies loyales du Nord-Est dans les grands commerces atlantiques de l'Empire, si ce rêve a fait long feu, il reste que l'illusion que ce remplacement pourrait se faire a infusé un dynamisme nouveau dans les provinces maritimes, un dynamisme né tout autant de l'espoir d'un espace économique agrandi que de l'enthousiasme des nouveaux arrivants, les loyalistes, un dynamisme qui se réalisera pleinement au début du 19e siècle. Delmuse, historien à l'Université Carleton à Ottawa, nous explique la transformation de la socio-économie des provinces maritimes après l'arrivée de cette seconde vague d'immigrants en provenance des États-Unis. Après le succès de la guerre d'indépendance, les gens de Nouvelle-Angleterre, qui ont supporté les Anglais pendant la guerre, ont été forcés de partir de les anciennes colonies. Beaucoup de ces gens voyageaient en Nouvelle-Écosse. Ils ont été placés par le gouvernement de Nouvelle-Écosse dans la vallée de la rivière de Saint-Jean. Et ils ont demandé un nouveau gouvernement. Pourquoi est-ce que ces nouveaux arrivants, qui viennent aussi de la Nouvelle-Angleterre, mais avec un peu de retard, pourquoi est-ce qu'ils demandent un gouvernement indépendant pour le Nouveau-Brunswick? Il y a deux raisons. En premier cas, les loyalistes pensaient que les vieux Nouvelle-Écossiens étaient sympathiques avec les Américains pendant la guerre de la Révolution. Ils ne veulent pas associer lui-même avec les vieux résidents de Nouvelle-Écosse. Aussi, le rétablissement dans la vallée de Saint-Jean était très loin de Halifax. Les loyalistes pense qu'il faut avoir un gouvernement séparé de Nouvelle-Écosse pour leur objectif, qui était l'établissement d'une colonie exclusivement composée de loyalistes. On a donc les jeux en train de se faire. On a une nouvelle colonie qui va obtenir son gouvernement séparé dans les 1780 au Nouveau-Brunswick. On a à côté la Nouvelle-Écosse conventionnelle, on a l'île du Prince-Édouard, mais on sait qu'un autre morceau des maritimes va aussi acquérir son gouvernement indépendant durant la période des 1780, c'est l'ancienne île royale de Louisbourg, l'île du Cap-Breton. L'île du Cap-Breton était une petite place pour les loyalistes. L'ancienne île royale de Louisbourg, l'île du Cap-Breton. L'île du Cap-Breton était une petite place pour les loyalistes. Les loyalistes établissent un centre d'occupation dans une place qui s'appelle Spanish Harbor, qui est nommée Sydney, après les ministres des colonies britanniques. Les loyalistes vont donc venir s'installer aussi au Cap-Breton. Mais pourquoi un gouvernement séparé pour les gens du Cap-Breton? Les Anglais avaient le problème de réguler les mines de charbon qui sont établies à la côte de l'île Cap-Breton. Les Français avaient développé les mines de charbon, mais les Anglais vont défendre le développement des mines parce qu'ils pensent que le développement des mines de charbon en Amérique du Nord vont concurrencer avec leurs mines de charbon en Angleterre. L'établissement d'un gouvernement séparé pour l'île de Cap-Breton représente l'intention de réduire le développement de ces mines. Ils ont permis leur développement seulement pour le marché local. On sait qu'on a parlé de la période entre 1780 et 1800 comme étant une période de britannisation de la Nouvelle-Écosse, où l'Angleterre investit beaucoup en Nouvelle-Écosse, mais où aussi les gens de la Nouvelle-Écosse ambitionnent de devenir un peu les remplaçants de la Nouvelle-Angleterre dans les grands commerces atlantiques. Les Nouvelle-Écossiens avaient l'intention de provisionner les Antilles britanniques avec les produits des fermes et avec la pêche et avec les produits du bois aussi. Ils avaient l'ambition d'exclure les États-Unis d'une participation dans le commerce. Oui. Dans la période après la guerre d'indépendance, les marchands de Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick ont défendu leurs droits exclusifs dans le commerce avec les Antilles. Ils ont expandé leur agriculture et ils ont créé un système de commerce qui était centré dans Halifax et en Saint-Jean, qui étaient les centres commerciaux de Nouveau-Brunswick. Ils ont établi dans ces deux centres un cadre de marchands qui avait le capital pour développer ces marchés dans les Antilles. Après quelques années de succès dans cet commerce, ils ont établi une capacité pour construction navale. À ce moment, la guerre napoléonique entre les Anglais et les Français en Europe a donné les marchands de Nouvelle-Écosse et de Nouveau-Brunswick l'opportunité de développer un nouveau pôle de croissance, leur activité en construction navale. La première partie du 19e siècle était une période d'expansion rapide dans les provinces maritimes. Le commerce de bois a introduit un produit qui demande beaucoup de navires, beaucoup plus de navires que le commerce de pêche, puis aussi une différente sorte de navires. Il était nécessaire de construire des grands navires pour les bois. Quand les Anglais commencent le développement d'un commerce de bois, il était nécessaire d'occuper les côtes du Nord, de Nouvelle-Écosse et de Nouveau-Brunswick aussi, et aussi de l'île Prince-Édouard. Le développement de la grande vallée de Miramichi en Nouveau-Brunswick, ou la vallée de Pictou en Nouvelle-Écosse, ont entraîné une migration majeure des Britanniques. Les troisième grande vague de population pour les provinces maritimes. Mmh. malgré la croissance relativement importante de la construction navale dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick après le traité de 1783, en général, les gens des maritimes ne pourront pas concurrencer les colonies mieux établies et plus efficaces des États-Unis. Partout, on sent le poids de l'expérience et du capital américain l'emportant sur les avantages naturels et la détermination des pionniers. La réalité économique des provinces maritimes n'est pas à la hauteur des espérances. Seule l'île du Prince-Édouard suffit à ses propres besoins, aux besoins de ses 4 ou 5 000 habitants. La Nouvelle-Écosse et ses 60 000 habitants, le Nouveau-Brunswick et ses 30 000 de population, et puis Terre-Neuve avec sa vingtaine de mille habitants, et la petite île du Cap-Breton et ses quelques milliers de population, toute cette population, plus de 100 000 habitants, loin de pouvoir fournir des provisions aux Antilles, comme on l'espérait, doit importer pour satisfaire à ses propres besoins. La pêche, la construction navale et l'exploitation du bois vont occuper le gros de la population des maritimes au tournant du 19e siècle, quand un baril de maquereau peut acheter deux barils de farine ou que le travail en forêt assure de bonnes gages, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'agriculture se développe peu. Mais le capital et la maturité économique manquent encore. Et, comme nous le verrons, c'est seulement avec les guerres napoléoniennes, avec l'explosion des exportations du bois vers l'Europe et l'embargo des Américains sur le commerce avec l'Empire britannique vers la fin de la première décennie du 19e siècle, que les provinces maritimes vont pouvoir prendre leur essor. Pendant que les colonies de l'Atlantique se transforment, même si c'est assez lentement, il y a transformation aussi au Canada central. Le gouverneur Haldimand a réagi à l'influx des loyalistes dans la province de Québec en faisant arpenter les terres au sud-ouest du territoire seigneurial pour y localiser les nouveaux arrivants. Comme nous l'explique Foster Grzyk, historien à l'Université Carleton, la première vague d'immigration loyaliste marque dans les années 1780 les débuts de la socio-économie de ce qui va devenir en 1791 le Haut-Canada. Ça commence vraiment avec le loyaliste. Vous avez à peu près 6000 loyalistes qui sont arrivés. Et bon, en comparaison avec le maritime, c'est pas beaucoup parce que dans le maritime, c'est à peu près 14-20 000. Dans Nouveau-Brunswick, par exemple. Mais il y a aussi les loyalistes qui arrivent un peu plus tard. À quel moment est-ce que cette deuxième vague de loyalistes arrive dans le Haut-Canada ou dans ce qui va être le Haut-Canada? La deuxième vague arrive dans les années 1790 et ça a duré pour à peu près 15 ans. Il y a un rythme assez différent pendant cette quinzaine d'années. Mais après 1805, il n'y a pas beaucoup qui arrivent. Donc, les vagues loyalistes qui viennent des États-Unis arrivent à la fin du 18e siècle et vont laisser au tournant du siècle combien de personnes? La population globale du Haut-Canada est à quoi, à peu près? Et on peut parler à peu près de 10 000, 15 000 de gens. Est-ce que ces 15 000 habitants sont répartis dans le Haut-Canada, M. Grzyk? Ah oui, il y a trois régions. Il y a vraiment un triangle entre le Bytown, Kingston et l'Outaouais, jusqu'à ce que Montréal. Bon, ça c'est une région. L'autre région, c'est York et toute la région autour de York, jusqu'à ce que l'autre côté de Hamilton. Bon, l'autre côté, la troisième partie là, entre Hamilton et Windsor, ça c'est vraiment la pénétration la plus grande. Le plus grand nombre de gens qui sont arrivés. Et puis, après ça, dans la région entre la chute Niagara et puis Windsor. La vallée de l'Outaouais, pas beaucoup. Ça arrive les Irlandais, mais il n'y a pas beaucoup qui sont arrivés après la guerre napoléonique. Mais c'est vraiment dans la région de Toronto, de York, comme on dit. Le Haut-Canada, c'est au tournant du 19e siècle trois embryons de socio-économie séparés. Ceux qui sont venus dès les années 80 dans la région de la baie de Kent, près de Kingston, sont des réfugiés d'origine allemande et hollandaise qui ont dû fuir en laissant tout derrière eux aux États-Unis et qui vont vivoter dans la portion nord-est du Haut-Canada. Ceux qui viendront un peu plus tard dans le morceau central autour de York, c'est-à-dire le Toronto d'aujourd'hui, de Niagara, mais surtout ceux qui vont venir dans l'ouest de l'Ontario, autour de London, vont arriver avec leurs actifs, avec du capital, avec leurs animaux. ce sont des communautés plus riches, des communautés qui vont se développer lentement au début, mais avec des assises fermes. Une des raisons pour lesquelles l'immigration ne se fera pas aussi importante qu'on l'avait anticipé à partir des États-Unis vers le Haut-Canada, c'est la contrainte imposée par l'existence d'un régime de loi française dans la vieille province de Québec. Mais à partir de 1791, et plus proprement de 1796, on va voir une croissance importante de la population du Haut-Canada. 10 ans plus tard, en 1806, on parle d'une population de 70 000 personnes dans le Haut-Canada. Celui dont les enthousiasmes ont été l'inspiration de cette croissance du Haut-Canada, celui qui a commencé la mise en place des infrastructures de communication entre les morceaux du Haut-Canada, c'est John Simcoe, le premier gouverneur du Haut-Canada, un gouverneur qui voit l'avenir du Haut-Canada non pas dans le commerce des fourrures, mais dans l'agriculture. Il faut dire que déjà, en 1794, les marchands de Kingston expédiaient à Montréal près de 13 000 boisseaux de blé et près de 1000 barils de farine, en plus de ce qu'il fallait produire pour satisfaire aux besoins des garnisons à Kingston, York et Niagara. Mais malgré les efforts de Simcoe pour planifier à la fois le développement économique et la sécurité militaire et politique du Haut-Canada, ainsi que l'explique Almosh Tachoni, un économiste historien de Pickering, en Ontario, le développement économique du Haut-Canada commence vraiment très lentement au tournant du siècle. Ça prend un peu de temps pour établir des fermes et aussi des liens de commerce et des liens de capitaux. Tous ces autres efforts viennent avec le temps. C'était Simcoe qui a premièrement trouvé le site de York comme une place pas mal pour l'établissement d'une population avec un bon havre et tout ça. Mais pour lui comme homme militaire, alors, la situation de York était bien proche à la frontière américaine et à cette époque-là, alors les administrateurs anglais ont vu les Américains un peu comme l'ennemi et un peu aussi comme un contraste et on a voulu créer une société qui est un peu contrastée, un peu plus stable, disons. Alors, à cette époque-là, le gouverneur Simcoe a cherché une autre place pour établir le capital de Haut-Canada, et c'était Londres. Mais à cette époque-là, London a été bien éloigné des grandes lignes de commerce et aussi des autres lignes. Et c'était le gouverneur Simcoe qui a commencé aussi cette construction des routes vers le nord et aussi vers l'ouest de la province. Est-ce qu'on peut parler, dans le cas du gouverneur Simcoe, M. Tachoni, d'un plan de développement économique? Je ne suis pas tellement certain si c'était un plan comme tel pour établir une économie comme tel. C'était une question de besoins politiques et des besoins économiques qui sont allés ensemble pour la plupart. Avec la création du Haut-Canada, avec ensuite la montée du commerce du bois, on a l'impression que le Haut-Canada entre véritablement en relation économique avec le marché atlantique pour la première fois. Particulièrement pour la vallée d'Outaouais. Ce sera une croissance économique exponentielle dans l'Outaouais, la région de l'est du Haut-Canada, avec l'explosion de la demande du bois dans la première décennie du 19e siècle. Une demande engendrée en Angleterre par le blocus qui empêche la Grande-Bretagne de s'approvisionner en bois, comme c'était son habitude, dans les pays de la mer Baltique. C'est autour de 1806 que Philémon Wright descend l'Outaouais vers Québec avec ses radeaux de bois équarris. À l'ouest du Haut-Canada, les assises économiques sont posées, mais le développement est plus lent. Quant à l'extrême ouest du pays, au-delà des Grands Lacs et de la baie d'Hudson, en 1800, à part les socio-économies autochtones, on ne peut pas parler d'installation permanente. Il y a bien la présence des Russes sur la côte du Nord-Ouest et puis celle d'autres groupes anglais, américains, espagnols faisant la traite des fourrures. En 1787, déjà, le lien maritime est fait entre la côte du Nord-Ouest, la Chine et l'Angleterre. En 1792, le capitaine Vancouver a déjà construit une cartographie d'une portion de la côte, mais il n'y a pas de poste permanent. Et puis, il y a les lancers en provenance de l'Est, des compagnies qui font la traite des fourrures. Alexander Mackenzie atteint la côte du Pacifique en 1793. Simon Fraser et David Thompson referont des équipées dans la même direction au début du 19e siècle. Mais la vie économique de tout l'Ouest en 1800 reste dominée par les populations amérindiennes ou métissées, populations bien différentes dans les prairies et sur la côte du Pacifique. Antoine Lucier, professeur à l'université de Brandon, nous parle de ce bariolage de populations depuis les Sauteux et les Sioux du Manitoba jusqu'aux Haïlsas et aux Nootkans de la côte du Pacifique, en passant par les Pieds Noirs de l'Alberta. Son origine était un mélange, une population indienne, donc un peu dispersée dans la Colombie-Britannique, en Alberta, Saskatchewan, Manitoba et les territoires du Nord comme on les connaît aujourd'hui. Et en même temps, on a une population de coureurs de bois, disons, dans laquelle arrive un mélange qu'on appelle des métis. Après 1774, lorsque la compagnie du Nord-Ouest a été fondée, on voit une population d'environ 25 000 à 30 000 personnes dans l'Ouest. Cette population, M. Lucier, est une population qui a quelle base économique? La traite de fourrure, surtout au Manitoba, ce qu'on reconnaît comme Manitoba et Saskatchewan, et dans l'Alberta. Les Indiens, le long du Pacifique, faisaient de la traite avec les Russes, même les Japonais. Et puis là, c'était pour l'outre. C'était pas pour le castor, hein. En même temps aussi, eux autres, ils avaient des sociétés bien classifiées au point de vue qu'ils avaient on appellerait aujourd'hui des rois, les esclaves et une partie de moyenne classe, qui étaient bien différents, disons, que des Iroquois de l'Est dans lesquels eux pratiquaient une forme de démocratie. Est-ce que ce commerce sur la côte du Pacifique, ce commerce de la loutre de mer avec les Russes, avec d'autres groupes, les Espagnols, les Américains sont là. Est-ce que c'est un commerce qui va donner lieu à la mise en place d'installations permanentes? Oh non, non. On ne trouve pas ça avant que Captain Cook et Vancouver arrivent. Disons que lorsque les Russes et les Japonais arrivent, eux autres, c'est seulement pour faire la traite. Il n'y a pas de question de s'établir dans l'Ouest. C'est pour ça que en Colombie-Britannique, on voit que c'est seulement qu'en vers 1849-1850, lorsque la question de l'or, avant ça, il n'y a pas de question de s'établir dans l'Ouest. C'est seulement lorsque la question d'or arrive. Même lorsque David Thompson s'est rendu dans la rivière Columbia pour établir des postes pour la compagnie du Nord-Ouest, c'était pas pour s'établir permanentement, c'était pour s'établir seulement pour faire la traite aux fourrures. Ces aborigènes, ces sociétés amérindiennes, quelle est leur base économique le long du Pacifique? C'est la pêche. Et il faut comprendre que les Indiens, le long de la côte du Pacifique, sont des Indiens dans lesquels les villages sont permanents. C'est pas des Indiens qui vont voyager d'un bout à l'autre, comparé avec les Indiens de la prairie, lorsqu'ils faisaient la chasse aux bisons. Ces Indiens ont une société bien réglée, et en même temps, ils ont aussi une économie dans laquelle la pêche est importante et un peu la chasse. Du côté de l'est des Rocheuses, on a un vaste territoire qui est un territoire où vit une population amérindienne importante. Même si elle vit du commerce des fourrures, même si elle vit attachée à la traite des fourrures en général, est-ce que c'est simplement la traite du castor qui est la base économique de tout ce monde amérindien dans les prairies? Oh non, avant l'arrivée des Blancs, les Indiens des prairies pratiquaient une forme d'agriculture. L'aspect qui les a affectés n'était pas l'arrivée d'un Blanc, mais l'arrivée du cheval. Le cheval qui était venu parmi les Espagnols et les Portugais, disons, de l'Amérique du Sud, les chevaux sont montés dans l'intérieur. Et puis, c'est là que les Indiens commencent à être plus mobiles et commencent à laisser leur place. Et on voit là les conflits parmi les différentes tribus par rapport que disons que les Pieds Noirs de l'Alberta commencent à rentrer dans les territoires qui appartiennent aux Sioux. Et puis là, on commence à voir la chamoille. Et puis d'abord, faut comprendre que pour commencer, c'était une forme d'agriculture qu'ils pratiquaient. Ils avaient seulement que le travail et le chien, comme ça, ils ne pouvaient pas aller bien loin. Et ils avaient une différente forme de chasser le bison. Et lorsque le cheval est arrivé, là, ça a changé toute la société. En effet, le cheval est devenu le personnage, disons, ce qu'on peut dire, par laquelle on pouvait décrire la statue d'un individu parmi la tribu. Le Canada a défini ses contours au tournant du 19e siècle. Et si on sent le réveil économique, la restructuration, des commencements de réaction aux signaux du marché un peu partout dans toutes les parties de sa socio-économie avec des intensités différentes, c'est dans le cœur de la socio-économie canadienne, le Bas-Canada, qu'on voit le plus fortement et de façon plus caractérisée cette pénétration des forces du marché. Certains, comme le professeur Jean-Pierre Wallot de l'Université de Montréal, ont parlé d'une modernisation de la socio-économie bas-canadienne au tournant du 19e siècle. Le marché atlantique devient très important et même capital à la fin du 18e, au début du 19e siècle. Sans doute auparavant, cette dichotomie n'était pas totale. Enfin, les cultivateurs, les habitants vendaient des surplus de blé, mais le marché extérieur était très petit, tandis que à compter de la fin des années 80, au début des années 90, là vraiment le marché devient plus important, même s'il est sporadique. Et en particulier, on note une intégration des marchés dans la province de Québec. Intégration qui se manifeste par des choses aussi simples qu'une concordance des prix de l'ensemble des céréales. Si on regarde tous les marchés du Québec, d'abord les grands centres, bien sûr, Québec, Trois-Rivières, Montréal, mais ensuite les campagnes, on se rend compte que la seule différence dans les prix, c'est l'arbitrage des transports, en quelque sorte. Donc, les régions se fournissent les unes les autres et il y a une intégration assez générale de l'économie. Donc, on peut dire que la masse de la population qui, vers 1765-70, est surtout dans la subsistance avec un peu de commercialisation de ces denrées sur le marché local et parfois occasionnellement sur le marché étranger, s'habitue à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, à exporter, à vendre sur le marché, soit local, soit étranger, par la voie des grands marchands, et à acheter des produits manufacturés. Donc, vous avez vraiment une commercialisation et il se crée un marché interne, externe, qui sont bien intégrés par des signaux commerciaux qui proviennent de Londres essentiellement et parfois aussi des États-Unis. Est-ce que ces signaux du monde atlantique, M. Wallot, rejoignent même les habitants québécois dans leur terre, à l'île d'Orléans? Ah, bien sûr. Il y a un cas assez drôle d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, alors qu'on vient de connaître une période de haut prix du blé à cause des guerres en Europe, de mauvaises récoltes également, survient la paix de 1803, paix temporaire, bien sûr, fragile, et là on entend des habitants qui commencent à soupirer après la guerre, qui disent qu'en temps de guerre, ils vendent bien leur blé et qu'ils ont des hauts prix. Donc c'est un bel exemple de comment les habitants sont sensibles au marché international, alors qu'auparavant, ils y auraient prêté peu d'attention, non pas que leur mentalité n'était pas tournée vers ce marché, mais ce marché n'était pas assez fort ou assez stimulant pour les faire travailler et se tourner vers le marché. Il faut que la demande soit là pour que l'offre se fasse éventuellement. Est-ce qu'on voit déjà, dans les années 1790 et dans la première décennie du 19e siècle, monter des formes de modernisation de l'économie, des institutions nouvelles qui seraient le signe, le symptôme que cette économie ancienne est en train de se transformer en économie plus capitaliste et plus commerciale? Ce que l'historiographie a surtout noté dans cette période, c'est la restructuration, c'est-à-dire simplement des changements de proportions entre les différents secteurs de l'économie québécoise. Mais en réalité, si on observe d'un peu plus près, tant le commerce international que l'économie domestique et même l'économie publique, on se rend compte qu'il y a naissance de nouveaux secteurs. C'est-à-dire que les changements économiques sont si importants par exemple, la quantité d'investissement, par l'explosion extraordinaire du commerce international, les investissements qui sont faits, les salaires qui sont payés, les pressions sur les prix, etc. Donc, tous ces phénomènes font que de nouveaux secteurs prennent naissance et que le marché local et l'assiette économique, en quelque sorte, devient beaucoup plus grande, beaucoup plus diversifiée. Et c'est pourquoi, dans nos travaux, quelques collègues et moi-même avons parlé de modernisation et non seulement de restructuration. Et ça s'est traduit de différentes façons. Ça s'est traduit dans le commerce international quantitativement, bien sûr, avec une multiplication par 8 ou 9 du commerce international entre 1783 et 1812. Mais aussi par l'apparition, le surgissement de nouveaux groupes sociaux, des entrepreneurs, par exemple, dans le domaine du bois, par l'apparition de nouvelles formes de corporations autour des terres, par exemple, dans les cantons, par des pressions très, très fortes pour la création d'une banque et qui eût sans doute existé, n'eût été du rôle pratiquement de banquier que jouait l'État à ce moment-là et qu'il jouera d'ailleurs durant la guerre de 1812, juste avant la fondation de la Banque de Montréal. En d'autres mots, c'est une période de grande accumulation de capital et je dirais qu'on passe d'une société, surtout de subsistance, où une petite couche de la population s'enrichit du commerce, à une période où le commerce et l'enrichissement rejoignent une plus large couche de la population, où il y a de nouvelles industries, des petites industries, et où finalement font jour la spécialisation, l'apparition de nouvelles formes de coagulation des groupes économiques pour travailler ensemble, de nouvelles formes de coopération, la libération des hommes, en d'autres mots, même les règles des corporations tendent à se relâcher, on respecte moins les contrats, de, par exemple, d'apprentissage, où ceux-ci sont de beaucoup plus courte durée qu'auparavant. Donc, vous voyez, les hommes deviennent plus libérés et plus prêts à être happés par ce marché du travail qui demande des mains et des bras. Cette transformation, cette modernisation de la socio-économie bas-canadienne au tournant du 19e siècle va donner le signal d'une transformation qui, l'une après l'autre, va transformer les diverses régions du pays au cours du 19e siècle. La semaine prochaine, nous verrons comment cette modernisation va éclater dans les régions excentriques du système atlantique que sont les colonies canadiennes au début du 19e siècle. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, Louis Martineau. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.